on parlait de golf hier, c'était la conclusion du championnat des joueurs de la PGA, probablement le cinquième tournoi majeur, et on va parler avec Serge Cloutier. C'est Justin Thomas qui a remporté. Salut Serge! Bonjour Danny! Serge, Justin Thomas qui a remporté la victoire. À partir, ça n'a pas été nécessairement, c'est à partir de la deuxième portion de la fin de semaine que ça a mieux été pour lui, hein, pour se faufiler. Mais écoute, Justin Thomas, à un moment donné, samedi, la troisième ronde, il était à 7 coups du meneur. Okay. C'était évidemment Deschambault, là, parce que Deschambault jouait. Puis là, c'était très serré parce que Westwood était dans la course également. Puis il y avait John Ram, puis il y en avait quelques autres. Et là, Thomas s'est mis à bien jouer parce que c'est un excellent joueur, mais il avait connu, comme certains golfeurs, sa part de difficultés depuis le début de l'année. Il avait eu de la mortalité, son grand-père est décédé, il avait été très affecté par ça. Et là, il a joué 64, sa troisième ronde, moins 8. Okay. Et là, évidemment, il s'est approché pour débuter la dernière ronde, il était à 3 coups du meneur. Alors là, il était à 3 coups de Westwood, qui à ce moment-là était le premier. Mais là, il a joué hier une excellente ronde, puis il a réussi à gagner par un coup. Alors, c'est pas seulement de gagner un tournoi prestigieux comme ça, mais il a gagné la première bourse de 2 700 000 $. Hey. Le premier avait 2 700 000, c'est incroyable. Le deuxième avait 1 6 000. Okay. Alors là, ça commence à être des bourses, puis évidemment, tout le monde le regarde de côté, puis ils disent merci Tiger Woods. Parce que c'est toutes ces bourses-là qui ont monté en flèche depuis des années, bien, c'est parce que c'est Tiger Woods qui attirait les commanditaires, qui attirait le monde. Alors, tous les golfeurs qui gagnent des tournois ou qui jouent régulièrement puis se classent bien, bien, bénéficient de très, très bonnes bourses. Puis évidemment, là, ils s'en vont avec la Coupe FedEx, puis un autre classement. Puis tu sais comment c'est, la Coupe FedEx, c'est 15 millions gagnants. Alors, c'est pour ça que Thomas, pour lui, là, c'est une grosse victoire. Puis c'est sa 14e en carrière. Ça va faire oublier. Puis il n'est pas vieux, il n'a pas 28 ans. C'est pas lui qui avait été pogné en se faisant dire qu'il était tapette ou quelque chose de même. Ah oui, mais il avait dit un mot de ce style-là il y a environ, d'un tournoi au début de l'année, cette année-là, mois de janvier. Il avait fait comme une... Il pensait pas qu'il y avait de microphone. Puis tu sais, il s'était fâché après un coup, puis il avait dit, peut-être j'ai fait un coup de tapette, ou je sais pas trop, là, un mauvais mot, là, un mot qu'on doit pas dire maintenant de nos jours. Et il avait été réprimandé, mais on n'a pas entendu parler. Alors là, Thomas... qui est un bon jeune homme, tu sais, puis il a une belle personnalité, il avait fait une erreur, puis regarde, là, oups, ça en est bien sorti, puis là, il vient de gagner un très, très gros tournoi, mais peut-être mentionner que Lee Westwood, à 47 ans, a fini deuxième deux semaines de suite à un coup de la tête. OK. Alors, si on avait à choisir... un golfeur, bien évidemment, dans les deux semaines, là, on pourrait prendre Westwood, même s'il n'a pas gagné. Quand tu finis deux fois deuxième à un coup de la tête, c'est parce que tu joues bien. Mais il manque un petit quelque chose pour gagner. Okay. Puis moi, je pense que Thomas, là, bien honnêtement, il a gagné hier grâce à un pote au 17e trou pour s'assurer, parce que... c'était un pote d'à peu près 6-7 pieds. Tu vas dire, 6-7 pieds, en principe, ces golfeurs-là les font. Mais la pression, tu sais, un pote de 6-7 pieds, si tu demandes, ça peut être 1 million de différence. Alors, tu vois, là, que Thomas, moi, je l'ai vu faire ce pote-là, puis avec ça, même si Deschambault est venu avec un eagle, il s'est rapproché à deux coups, bien, il était déjà trop tard. C'est pour ça que Thomas... OK. Serge, le Canadien Connor a été dans le coup un bout de temps, hein? Ah oui, Connor, c'était dans la course jusqu'à, je te dirais, le 15e, 16e trou, là. Tu sais, quand on regardait, là, il restait 3-4 trous à jouer. Il y avait Deschambault qui était là, même s'il avait trébuché un petit peu. Il y avait également Westwood, il y avait Thomas, puis il y avait Connors. Mais Connors, malheureusement, là, il n'a pas bien terminé comme il aurait voulu. Puis il a terminé, je pense qu'il a terminé septième. Mais dans les 10 premiers, quand tu joues, que tu joues ces tournois-là, c'est excellent. C'est le meilleur, de toute façon, c'est le meilleur Canadien. Ah, ouais. Oh, de loin. Là. Mike Weir semble revenir, par exemple. C'est ce que j'ai vu, là. Ça se peut-tu qu'il joue mieux là, au cours des derniers tournois? Oui, mais pas assez pour se classer parmi les premiers, puis revenir en force. Il a vieilli comme tout le monde, puis il y a de la difficulté à bien figurer là, dans les gros tournois. Évidemment, il va être au Masters là, au début du mois d'avril, le prestigieux Masters, parce que cette année, à moins d'une catastrophe, là, le tournoi va avoir lieu tel que prévu au mois d'avril, parce qu'on sait que cette année, ça a été en novembre. Mm. Parce qu'à cause du début de la pandémie l'an dernier, Est-ce qu'il va y avoir du monde? Là, ça va mieux. Il a annoncé qu'il allait avoir du monde? Oui, bien là, comme tu as vu hier, je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil, mais il y avait du monde en Floride hier. Oui, en Floride. C'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude, là. Il n'y a pas autant de monde que quand il y a des 50 000 personnes sur le terrain. Mais là, il commence un peu partout à réouvrir, tranquillement, pas vite, puis à amener des spectateurs. Mm. Mais c'est pas des foules comme on a déjà vu, pas pour l'instant. Non, effectivement. Serge, gros merci. On se parle au Master au début d'avril. Merci infiniment, puis ça va me faire plaisir. Notre ami Serge Lutier qui nous parlait du tournoi de la